pour la troisième année consécutive, nous avons deux invités exceptionnels pour animer cette cérémonie de remise de prix. Donc cette année, nous sommes heureux de vous présenter les deux personnages principaux d'une comédie musicale à succès. Je leur souhaite donc la place et vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Son nom, Alonso Quijada. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijada, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Mesdames et messieurs, pardonnez mon casque, lectrices, lecteurs, journalistes et attachés de presse, auteurs, hôtesses, éditrices et éditeurs, printemps arabes et automnes malouins, princes et manants, princesses et leurs amants, mes amis, mes amours, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette traditionnelle cérémonie de remise des prix du 31e festival Quai des Bulles de la bonne ville de Saint-Malo, Royaume de France, 35 Nord. Je me présente en toute simplicité, je suis Chris Don Quichotte du Maine-et-Loire. Je suis conseiller en utopie réalisable. J'en connais certains qui, avec leur tronche de moulin, commencent à faire dans leur froc. Il n'a échappé à personne que l'année bénéfile fut pour le moins riche en éclats de voix et autres crispations. Alors que t'arrive-t-il, le monde de la BD? Tu pars en quenouille? Tu ne crois plus en l'avenir? Tu t'inquiètes pour tes enfants? Tu crois que Guy Delcourt a vraiment 25 ans? Guy, il va dans la salle. Pas de panique. L'équipe du festival Quai des Bulles de la bonne ville de Saint-Malo, Royaume de France, 35 Nord, m'a confié la lourde tâche de te redonner l'espoir. Et nous parachèverons ce nouvel élan par la désignation de deux représentants au talent indéniable et chargés de porter en notre nom à tous cette nouvelle parole à la face du monde. Redonner l'espoir, disais-je, vaste programme et grande ambition, alors que s'élèvent de partout jérémiades, conflits, baisse des rémunérations, surproduction, sans même parler de l'augmentation du tabac. Alors quoi? Sur le paquet de Marlboro Light à 6,50€, on va encore nous dire que les éditeurs n'y sont pour rien? Du calme, mes amis, du calme. Halte à la division. L'union fait la force, car face à un monde artistique dur, il ne nous faut pas une bénévole. Je vais poser mon truc parce qu'il m'emmerde un peu, hein, pardonnez. Utopie, crieront les chagrins d'esprit, le mal est dans l'œuf et l'œuf dans le cul de la poule. Compagnons, laissons les poules à ceux de l'hôtel Carlton. Mais soyons réalistes, demandons l'impossible. Avec Don Quichotte du Maine-et-Loire, je vous garantis le beurre, l'argent du beurre et les fesses de l'éditeur. Ouais. Pour vous montrer que faiseur de miracles est un métier comme un autre, reconnu par la GSA, je demande à tous un effort de mémoire. Vous souvenez-vous de cette chère mademoiselle Zanzima? Oui. Naguère sacrée Miss Ille-et-Vilaine, et qui officia ici même à mes côtés il y a cela 2 ans. Oui. Vous souvenez-vous de son physique débonnaire, que l'on pouvait qualifier en toute lucidité de bonne grosse normande? À tous les normands. Alors, dès le cours c'est fait, la Normandie c'est fait. Avez-vous lu son blog girly à cette chère mademoiselle Zanzibar? Non? Eh bien, elle est de retour pour remettre à nos heureux lauréats le baiser hautement justifié à la hauteur de leur talent. Et regardez ce que j'en ai fait, moi, Don Quichotte du Maine-et-Loire. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la plus belle sirène qui soit, Mademoiselle Zanzibar. Merci pour elle. Mademoiselle Zanzibar, messieurs, je pense qu'il mérite encore un applaudissement. Ah, heureux lauréat. Vous pouvez pas imaginer comment on a chaud, j'imagine que vous aussi, mais alors vous. Alors, avant d'en venir au prix proprement dit, il nous faut donc redonner l'espoir et s'élever contre les injustices flagrantes qui parcourent notre monde depuis des mois comme autant de moulins à vent. Oui, chez moi, les moulins à vent parcourent le monde, tout est permis. Oh, bien sûr, la liste serait trop longue pour l'évoquer ici, mais inutile de chercher bien loin. Pas plus tard que la semaine dernière. Vous avez sans doute entendu parler du scandale du salon de Montreuil. Les organisateurs, dans leur grande générosité, ont décidé que désormais, pour qu'un jeune auteur puisse montrer son travail à un éditeur, ces jeunes auteurs devaient s'acquitter d'un droit de 10 euros. Enfin, 10 boules pour rencontrer un éditeur. Et même en réalité, 3 éditeurs. Vous avez droit à 3 rendez-vous. 3 éditeurs. Ça fait une moyenne de 3,33 euros par éditeur. Alors j'ose poser la question. Est-ce une juste rémunération pour ces 3 pauvres éditeurs? Ne devons-nous pas combattre le fléau de l'esclavage de toutes nos forces? Mais si! Imaginez qu'un éditeur a même dû, finalement, vendre sa maison d'édition pour acheter un club de rugby. Un tout petit club de rugby. Alors je vous le demande. Je propose, même chose, si on inversait le processus. Si l'on vendait plutôt un club de rugby pour acheter une maison d'édition. Non, parce que je vous assure, moi, une équipe de rugbyman, ça coûte beaucoup plus cher à entretenir qu'une bande d'auteurs de bande dessinée. Hein. Ça va, rien qu'au niveau de la bouffe, déjà. Bon, évidemment, faut pas engager Étienne Davodo ou Olivier Supio dans son équipe. Hein. Là, faut prendre plutôt Thomas Cadenne, Franck Bourgeron, David B. Enfin bon, quoique David B, ces derniers temps... C'est plutôt David C maintenant. Hein. Il est un peu plus bonnet quand même. Hein. Enfin bref, 3 paquets de nouilles, 2 boîtes de sardines et hop, vas-y que je te pisse de la planche de champion du monde. Alors ne voyons pas les choses en All Black. J'en reviens au festival. Chaque année, alors que les premières feuilles de l'automne se ramassent à l'appel, commence la traditionnelle distribution de baffes du côté d'Angoulême. Incroyable, un vrai village d'Astérix. Et que l'ordre alphabétique de l'assaut du festival fait une queue de poisson assez automatique du CNBDI, et que le député maire Abraham Coursix vient de mettre de l'ordre là-dedans à coup de subvention annulée. Une horreur. Le site ActuABD fait des dossiers longs comme un roman graphique en noir et blanc. Personne n'y comprend plus rien. Bref. Au fait, pourquoi on va à Angoulême déjà? Pourquoi on va à Angoulême en plein mois de janvier? L'armée. Qu'est-ce qu'ils font au Cinoche? Où est-ce qu'ils font leur festival, eux? Ils sont pas cons, hein? À Cannes, au mois de mai. Voilà, bah oui, là, évidemment, ils ont de la couverture médiatique. Hein. Allez voir au festival de Bastia, ils y sont, les journalistes, hein, y a pas de problème, hein, ça, ils y sont tous. Hein. Ah tiens, salut, t'aimes la BD, toi aussi? Non, mais j'aime bien la piscine. Ah, oh, ouais, d'accord. Oh, ouais. Alors, je propose, pour pallier à ça, que le Festival international de la bande dessinée franco-belge, et un petit peu manga, un petit peu comics, se passe désormais aux îles Marquises, au mois de juin. Là, au moins, quand on parlera du mercure, ça sera pour évoquer la température et pas le degré zéro du champagne. Bon, évidemment, à Saint-Malo, on est un peu entre les deux. On est au bord de la mer, on fait ça au mois d'octobre. Ça, c'est les Bretons. Bref. Enfin, je ne peux évidemment oublier les auteurs, mes amis, mes frères, mes camarades. Dites les copains, on était 500 il y a 10 ans. Ça a monté tranquillement, 1000, 1500, 2000, aujourd'hui 3000, 5000 peut-être. Dites-moi, vous pouvez me dire comment on est la seule profession au monde où plus on est nombreux, moins on est puissant? Le SNAC, Syndicat National des Auteurs Compositeurs, vous reçoit chaque jour de 8h à 18h, 80, peut-être plus, 75 dans le Paris, le contrat commenté que je vous invite à avoir tout le monde. Mais assez parlé. Venons-en maintenant au vrai sujet porteur d'espoir, l'avenir, mes amis. L'avenir, les prix, ces talents de demain et ces talents d'aujourd'hui. Car nous allons, avant de remettre nos deux prix, rappeler un premier prix qui a été remis cet après-midi. C'est le prix Ouest France Quai des Bulles. Alors, évidemment, ils m'ont facilité la tâche en récompensant des auteurs étrangers, avec des noms polonais. Alors, il a été remis à Jerry à Langlan pour le livre Elmer et aux magnifiques éditions Ça et Là, représentées par Serge et Dominique, qui vont passer sur scène. Merci. Merci pour Jerry. J'ai envoyé un email tout à l'heure quand le prix a été annoncé à midi. Il a répondu de manière très laconique « Waouh !» Et en son nom, je remercie Quai des Bulles, Ouest France, l'ensemble des jurys. Il y a 9 jurys, un jury public, en fait, de lecteurs qui ont couronné son livre. Et ouais, je trouve ça génial que ce soit un auteur de Philippins qui mette un peu un coup de projecteur sur la bande dessinée philippine. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a une BD philippine qui est récompensée en France. Et voilà, merci à tous et bon courage pour la suite. Alors donc voilà, c'est ça, il était philippin, pas polonais, mais enfin c'était pas loin. Alors, venons-en au fait. Le prix coup de cœur, l'avenir là pour le coup, car je rappelle que le prix coup de cœur récompense un ou des auteurs d'un album particulier qui aura en toute subjectivité remué en profondeur la tête, le cœur et les tripes de toute l'équipe du festival Quai des Bulles. Royaume de France, 35 novembre, je le rappelle. Et pour le remettre, j'appelle les jolis lauréats de l'année dernière, Arnaud Balerbe et Vincent Perriot, à monter sur scène. Merci. Vous allez laisser déchirer l'enveloppe tranquillement, voilà, ça marche. Mais peut-être est-ce que vous voulez nous dire un petit mot depuis ce prix l'année dernière pour Belleville City. Alors ça y est, Arnaud ne peut pas me regarder comme ça, il perd toute concentration. Concentrons-nous, Belleville City, souviens-toi, c'était l'année dernière. Ouais, vraiment, monsieur Prudhomme, je vous remercie encore d'avoir donné ce prix Belleville City. On a cherché l'album, on ne l'a pas trouvé. On était extrêmement émus, et puis voilà, ça nous a donné du courage, de l'envie, et puis on espère que la personne qui va recevoir ce prix va être aussi émue que nous. Je pense. Alors bon, on va faire tous un petit roulement de tambour le temps qu'ils ouvrent l'affiche. Voilà, avec les pieds, c'est bien. Allez-y, voilà. Ils sont prêts. Bon, allez, c'est bon maintenant. Le prix coup de cœur 2011 est attribué à Florent Siloré pour Carnet de Roger. Carnet de Roger. Florent, rentre sur scène. César, en fait, hein, j'ai rien préparé parce que c'est la découverte totale. Une grande émotion pour ce projet. Projet qui me tient évidemment très à cœur. C'est génial. En plus, toute la maison Sarbacane est là ce soir avec tous les gens qui ont collaboré à faire ce livre. Merci vraiment à tous. Merci au festival, à Quai des Bulles, à toute l'organisation que je découvre puisque c'est ma première année et c'est aussi mon premier festival Quai des Bulles. Donc, voilà. Une édition qui restera gravée très longtemps. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, vous pouvez faire les photos, on va prendre le petit moment photo, voilà. Ça, je vais en profiter pour entretenir un peu le suspense pendant que les photographes font leur métier, puisque nous allons passer désormais au Grand Prix Quai des Bulles, autrement dit prix de l'affiche, hein, dans un pragmatisme de bon aloi. Et pour le remettre tout à l'heure, je vais appeler ce grand auteur qu'il a eu l'année dernière, adepte de la pêche et de la conduite en voiture sans permis. Je veux évidemment évoquer monsieur Pascal Rabaté. Ah. Pascal, l'année dernière, tu étais monté sur scène en poussant un vrai cri de victoire qui était, je vous le rappelle, la gauche revient enfin au pouvoir. J'en rappellerai. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu as changé d'avis? Ou est-ce que cette année te rend confiant? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aurais bien gardé le pouvoir, mais la démocratie, c'est merde. Et que je vais passer les clés. Alors, il va bientôt dévoiler le nom. Alors, si on a pris 5 minutes de retard, c'est tout simplement parce que ce grand gagnant, et Dieu sait si c'est un prix porteur d'avenir, n'était pas là au moment de la cérémonie. Alors, les attachés de presse, là, tous carton rouge, là, vous allez tous me le chercher s'il n'est pas arrivé. Mais en attendant, on va dire son nom quand même. C'est un auteur dont le pseudonyme se résume à un prénom. Ah, bien sûr, on pense tout de suite à Chris, hein, mais... mais bon, non, il est trop modeste. Je te laisse annoncer. Je suis très content d'annoncer ce nom, parce qu'il n'y a que 5 lettres, et comme dyslexique, j'ai des problèmes de lecture. Donc c'est Bruno. Comme on n'a pas réussi à le retrouver, visiblement, c'est Monsieur Lebescon, son éditeur, qui va venir le chercher. Ah, il arrive! Ah, il arrive! Bravo! J'ai une sainte horreur d'être sous les feux de la rampe, donc je vais me contenter d'un merci. Voilà. Bravo. Mais bon, si lui n'aime pas être devant le feu de la scène, on peut au moins l'applaudir largement pour tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'il pourra se faire encore? On va remettre le crayon quand même. Merci. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, alors, vous savez qu'il est de tradition à cette heure-ci de partir pour l'apéritif, alors on ne va pas vous retenir plus longtemps. Je voulais juste vous dire que c'était notre dernière édition à Mademoiselle Zanzima et moi, puisque nous avions signé notre rapport. Donc on voulait vous remercier pour ces 3 super éditions, on s'est bien marré. Et si vous voulez, on va vous faire une petite chanson d'adieu. Est-ce que vous voulez une petite chanson? Voilà, tenez-le bien, hein, parce que quand même il est solide, le garçon. Alors évidemment, on va faire un petit hommage à la bande dessinée, quand même. Vous savez, c'est un art particulièrement barbare, avec plein de termes étonnants, art séquentiel, art de l'ellipse. Et je me souviens, moi, d'un terme que m'avait dit pour la première fois ce cher Michael Le Galli, que je salue comme étant mon grand petit camarade scénariste, et qui m'avait parlé de l'espace inter-iconique. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était que ça, l'espace inter-iconique? Eh bien, on va vous le chanter, tout bêtement, si vous le voulez bien. Alors, je compte sur vous pour les la-la-la quand il faudra. On est parti. 3, 4, pardonnez la voix de fossé, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Elle avait des cases à chaque page, des onomatopées qui l'enjolivaient. Elle avait surtout de tout petits trous qui s'y tomberaient. L'espace inter-iconique, en moi ça me fout la pêche. L'espace inter-iconique, c'est mieux qu'une nuit avec Monique. C'est mieux qu'une nuit avec Monique. On l'a beaucoup relu sur un canapé, sur un lit douillet. Elle nous est rêvée, elle nous réchauffait, notre BD préféré. L'espace inter-iconique qui rit quand on le lit. L'espace inter-iconique, c'est mieux qu'une nuit avec Patrick. C'est mieux qu'une nuit avec Patrick. Au son des bulles, je m'imaginais tous ces personnages, ces beaux paysages, ce rythme elliptique, ces belges si comiques. Moi aussi j'en serais l'espace inter-iconique de qui les crises, trois qui dessinent l'espace intericonique, avec ou sans plastique, avec ou sans plastique. Allez, le dernier couplet. On s'est raconté, on s'est dessiné, on s'est colorié, on s'est édité, on s'est chroniqué, on s'est tous retrouvés, puis on s'est chamaillé. L'espace inter-iconique, parfois on tourne bourrique. L'espace inter-iconique, on n'y peut rien, c'est chimique. On n'y peut rien, c'est chimique. Bon, je vais trop tard. Alors, en fait, il reste un couplet. Alors, je dis. Quand on s'est raconté, quand on s'est édité, pourquoi se foutre sur la gueule, se refoutre sur la gueule, sur mon canapé, sur ton siège douillet. Tu rêves de moi, toi l'éditeur, je rêve de toi, moi l'auteur. Alors juste, signe-la. L'espace inter-iconique, papier ou numérique. L'espace inter-iconique, oh oui c'est fantastique, oh oui c'est fantastique, oh oui c'est fantastique. Merci, bonsoir.